إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer la deuxième partie de ce cours sur l'explication de la qasida de l'imam Ibn Abi Daoud al-Ha'iyya. Et on est toujours dans le premier vers. Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Donc c'est l'explication de cette partie. Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Donc l'imam Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, il a mentionné le verset dans surat al-Anfal dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a uni entre le cœur des croyants par la aqida, par le tawhid, il a fait que les mu'minines, le cœur des mu'minines se rapprochent les uns des autres. Et qu'il n'y a rien sur terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner ou dépenser qui aurait pu faire rapprocher le cœur des croyants les uns des autres en dehors de cette aqida et en dehors de ce tawhid. Donc le cheikh ensuite il explique, il dit فَلَا يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ كَثْرَةِ الْعَطَى وكثرة الأموال بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليس لهم عذر لأن الله بين لهم ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. Donc le cheikh il explique que, comme je disais au tout début, il n'y a rien qui peut unir entre le cœur des croyants excepté le Coran et la Sunna. Le fait de donner de l'argent aux gens pour faire en sorte qu'ils s'unissent, ça ne peut pas les unir. La quantité de biens que tu peux dépenser ne peut pas unir les cœurs des hommes. Bien au contraire, qu'est-ce que ça fait? Le fait de donner plus d'argent pour essayer d'unir les gens, ça ne fait que les augmenter en haine les uns envers les autres et le fait qu'ils s'enfuient les uns des autres. Donc peu importe qu'est-ce que tu peux dépenser comme bien et comme argent, ça ne pourra jamais réunir entre le cœur des hommes. Ce qui va unir le cœur des hommes, c'est le Coran et la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti dans le Coran que peu importe, si on observe les peuples qui nous ont précédés, parmi les juifs et les chrétiens, on va réaliser une chose, c'est que ils se sont divisés parce que ils ont cessé de s'accrocher à la vérité après que la preuve claire eut été établie sur eux. Et après qu'ils aient reçu la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont divisés. Et du fait qu'ils se sont divisés après que la preuve claire leur soit parvenue, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas eu d'excuses dans le fait de se diviser et dans leur division. Donc il mentionne le verset 4 dans Surat al-Bayyinah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit, et ceux qui se sont divisés, parmi les gens du livre, parmi ceux qui ont reçu le livre avant, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, se sont divisés uniquement après avoir reçu al-Bayyinah, c'est-à-dire la preuve claire, la preuve évidente. Et le cheikh, il dit, donc ils n'ont pas d'excuse de s'être divisés. لأن الله بين لهم ولكنهم تركوا هذه البينة. Allah subhanahu wa ta'ala leur a clarifié la vérité, mais ils ont abandonné cette clarification et cette preuve, et ils se sont divisés après avoir reçu la preuve. Et il mentionne d'autres versets qui confirment ce verset et cette explication-là. Le verset 105 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, qui ont divergé après que leur soient venues les preuves claires et évidentes. Hein? Et il mentionne ensuite, il dit dans un autre verset, le verset 213 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc il mentionne dans le verset 213 dans Al-Baqarah que Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter des prophètes, et juste avant ça dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit kana an-nasu ummatan wahida, l'humanité n'était qu'une seule communauté, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que il y ait des prophètes qui soient envoyés comme avertisseurs comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs. Et il a fait descendre avec eux des livres pour qu'ils puissent juger entre les hommes en toute vérité, dans toutes choses sur lesquelles ils divergeaient. Et ceux qui parmi eux ont divergé, ont uniquement divergé une fois que l'épreuve claire leur fut parvenue par jalousie les uns des autres et par transgression et par injustice les uns contre les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé parmi ceux qui ont cru, a guidé ceux qui ont cru parmi eux vers la vérité sur laquelle ils avaient divergé. Donc, du fait qu'il y a eu un groupe parmi ces gens-là qui avaient divergé, qui ont été des vrais croyants, ceux-là se sont accrochés à la vérité et donc ceux-là ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il disait: Oh Allah, le maître, le seigneur des anges, et il mentionne Jibra'il, Mika'il et Israfil, créateur des cieux et de la terre, celui qui a la connaissance de l'invisible et de ce qui est apparent. C'est toi qui juges entre tes serviteurs au sujet des choses sur lesquelles ils divergent. Guide-moi et vers la vérité dans ce sur quoi ils ont divergé. Guide-moi par ta permission vers ceux et vers la vérité dans les choses sur lesquelles ils ont divergé, et c'est certes toi seul qui guide qui tu veux vers un droit chemin. Donc ça, c'est un grand doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans ses prières la nuit comme une invocation et une demande de guidance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui protège le musulman de la passion et des fitnes et de tout mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour nous-mêmes également, chacun d'entre nous. Hein, on doit utiliser ce doua comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait la nuit, lorsqu'il y a quelque chose qui nous a confondu ou qui nous a troublé, ou une connaissance ou quelque chose qu'on a entendu qu'on ne comprend pas et qui nous cause du trouble. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, par ce doua, de nous guider vers la vérité, de nous montrer la guidance. Hein? Et donc c'est un doua très, très important. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واتبع الهدى. Donc après avoir ordonné ou après avoir dit aux gens, conseillé aux gens de s'accrocher à la guidance, à la vérité, il leur demande par la suite de suivre la guidance. تمسك بحبل الله, accrochez-vous au Coran et à la Sunna, à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite suivez la guidance. واتبع الهدى, suivez la guidance. والهدى هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. Donc le cheikh explique que la guidance, qu'est-ce que ça signifie? La guidance, c'est la chose avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et il mentionne le verset 33 dans surat Tawbah, qui mentionne ce fait-là. Il dit, c'est lui qui a envoyé, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion, même si cela déplaît aux mushrikoun. Et la guidance, les ulama ont expliqué que c'est la science qui est bénéfique, c'est la connaissance, la science qui est bénéfique, et al-amal al-salih, c'est din al-haq. La religion de vérité, c'est les bonnes œuvres. Donc la guidance, c'est la bonne connaissance. Sans connaissance, on reste dans l'égarement. On ne peut pas être bien guidé sans avoir la connaissance, al-ilm. Hein? Et quand on va continuer l'explication, on va voir que le cheikh il explique justement que dans surat al-Fatiha, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qui se sont égarés, الضالون, les ulama ont expliqué que c'est ceux qui n'ont pas de connaissance. Se sont égarés parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et l'égarement, c'est quoi? C'est le contraire de Al-Huda. Al-Dalal, c'est le contraire de Al-Huda. Donc celui qui n'a pas de connaissance, il est dans le Dalal. Et donc, il n'est pas sur la guidance. Donc, Al-Huda, c'est quoi? C'est Al-Ilm al-Nafi'. C'est la science bénéfique. Wa-Din al-Haq, huwa al-Amal al-Salih. C'est là, les bonnes œuvres qu'on peut faire. Et donc le cheikh il explique ensuite comme je disais, wa naqra'u fi akhir al-Fatiha ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayra al-maghdubi 'alayhim wala ad-dallin alladhina an'ama Allahu 'alayhim hum alladhina jama'u bayna al-'ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih wal maghdubi 'alayhim hum alladhina akhadhu al-'ilm wa taraku al-'amal wad dallun هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالمتصوفة والعباد الجهال. Donc le cheikh explique, comme je disais tout à l'heure, que lorsqu'on lit dans sourate al-Fatiha à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il nous enseigne comme dua de demander et de dire guide-nous sur le droit chemin, le chemin sur ceux qui ont eu ta grâce, hein, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, ni le chemin des égarés. Ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont réuni entre les deux, qui ont réuni al-ilm al-nafi' et al-amal al-salih. Donc ils ont les deux, la science bénéfique et les bonnes œuvres. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont pris la science mais qui ont abandonné les œuvres, n'ont pas appliqué la connaissance qu'ils avaient. Et ad-dallun, c'est le contraire. C'est ceux qui ont pris les bonnes œuvres mais qui ont abandonné la science. Et le cheikh il donne comme exemple al-mutasawwifa, c'est-à-dire les soufis, as-soufiya, ce qu'on appelle as-soufiya, et al-ubbad al-juhal, c'est-à-dire les adorateurs qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ignorance. C'est-à-dire ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir la connaissance de la sharia. Donc ils tombent dans beaucoup de formes d'innovation et de bid'a à cause de ça. Donc le cheikh il dit والهدى والهداية على قسمين القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق وهذه هداية عامة والله هدى الناس جميعا بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهذه هداية دلالة وإرشاد والقسم الثاني هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يملك هداية القلوب إلا الله جل وعلا قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Donc le cheikh explique que la guidance, elle est divisée en deux catégories. Il y a une guidance, la première catégorie c'est la guidance dans le sens de l'orientation et dans le sens de montrer le droit chemin et de clarifier la vérité pour les hommes. Et ça c'est une guidance qui est générale. Donc il y a, ça c'est la première catégorie. Le fait de montrer aux gens la vérité, de leur donner la bonne orientation, de leur montrer les preuves. Lorsque, par exemple, tu marches sur la rue et quelqu'un y en est sur ton chemin, te demande le chemin pour aller, par exemple, au marché ou quelque part, y en est. Et toi, tu lui indiques le chemin. Tu lui dis, tu y en est d'aller tout droit, puis après il tourne à droite, puis après ça. Hein, il va trouver la place qu'il cherche. Donc ça c'est une forme de guidance qu'on appelle l'orientation et la clarification et de le montrer aux gens l'épreuve, d'accord. Puis le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens là il a guidé tous les hommes dans le sens qu'il leur a clarifié la vérité, il leur a montré la vérité du fait que il leur a révélé les livres, il leur a envoyé les messagers pour que les hommes sachent hein, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le faux, qu'est-ce qui est le tawhid, qu'est-ce qui est le shirk, hein, qu'est-ce qui est al-kufr, qu'est-ce qui est al-iman, qu'est-ce qui est al-islam. Donc il a révélé les livres, il a fait descendre les livres et les messagers avec les clarifications et les preuves à ce sujet-là. Et il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne en ce qui concerne Samoud, le peuple de Samoud, nous les avons guidés. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Donc, ça, et le cheikh dit cette guidance-là dont on parle dans ce verset-là, c'est le fait de leur montrer la vérité, de les orienter vers le droit chemin. Mais ils n'ont pas accepté cette guidance et cette orientation. Hein? Et la deuxième catégorie de guidance, hidayat al-tawfiq. Hidayat al-tawfiq lil'amali bil-haqqi wa tamassuki bih. C'est la guidance qui porte à obtenir le succès d'appliquer cette guidance, d'appliquer cette vérité et de la suivre et de s'y accrocher. Et cette guidance, c'est la guidance qui est particulière. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont été orientés vers la vérité, parmi ceux qui ont été guidés dans le sens qu'on leur a montré les preuves et qu'on leur a montré la vérité, il y en a parmi ceux-là qui, non seulement ils ont entendu les preuves, non seulement ils ont entendu la vérité, non seulement on leur a montré, mais ils l'ont accepté et ils l'ont suivi cette guidance. Et ça, c'est ce qu'on appelle « Hidayat al-Tawfiq » لِلْعَمَلِ بِالْحَقِّ وَالْتَمَسُّكِ بِهِ C'est-à-dire d'avoir le succès de réellement appliquer et de suivre cette guidance. Et cette guidance-là, elle est particulière. Elle est seulement pour les gens qui ont la foi. Elle est seulement pour les gens qui ont la foi. Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui la possède. C'est-à-dire c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui possède le pouvoir de guider les hommes de cette manière-là, de cette deuxième catégorie-là. Donc, c'est comme, par exemple, lorsque je donnais l'exemple tout à l'heure, du fait que quelqu'un sur le chemin, il te demande comment faire pour aller à tel endroit. Toi, tu lui montres le chemin. Par la suite, une fois que tu lui as montré le chemin, la personne, elle est libre de suivre ton indication ou de ne pas la suivre. Si la personne décide de dire j'écoute personne, je vais suivre ma propre façon pour essayer d'arriver là où je veux aller, et qu'elle n'écoute pas ce que tu lui as montré comme indication, et qu'elle s'égare, ça c'est par la suite c'est le résultat du fait qu'elle s'est détournée de l'exemple que tu lui as montré ou de l'indication que tu lui as donnée. Mais si la personne, tu lui montres le chemin correct et elle le suit et elle arrive à bonne destination, ça c'est parce qu'elle a eu le tawfiq dans cette guidance-là que tu lui as donnée. Et c'est ça l'exemple de cette catégorie de guidance. C'est le fait que tu as montré à quelqu'un, c'est comme par exemple quelqu'un vient te voir pour avoir les informations sur l'islam. Et toi tu lui montres et tu lui expliques qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, qu'est-ce qui est dans la Sunna. Tu lui expliques à propos du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne doit pas faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que la religion de tous les messagers, c'est la religion du tawhid, et qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. On ne doit pas offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme d'adoration. C'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit offrir toutes les catégories, toutes les formes d'adoration. Sinon, on tombe dans le shirk. Et qu'on lui explique qu'est-ce que c'est la religion des messagers, et en particulier le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon son exemple et selon sa sunna. Tu lui montres ça et que la personne, par la suite, elle se détourne. Elle a eu la première catégorie de guidance, mais elle n'a pas eu la deuxième. C'est-à-dire tu lui as montré le droit chemin, tu lui as expliqué la vérité. Donc elle a été guidée, mais elle n'a pas accepté de suivre cette guidance. Et donc elle n'a pas eu la deuxième catégorie de guidance qui est Hidayat al-Tawfiq. Elle n'a pas été guidée à suivre et à appliquer cette guidance. Et donc, ça c'est ce qui montre que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de guider les cœurs. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 56 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais certes Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. » Et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Ça c'est un verset qui est révélé au sujet de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il a refusé d'accepter l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait pour lui qu'il soit guidé. Mais la guidance ne dépend pas de la volonté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui qui décide qui accepte la guidance ou qui ne l'accepte pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que montrer aux hommes le droit chemin et les orienter vers la vérité. Par la suite, qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas, ça ne dépend pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit ensuite, وَهِدَايَةُ الدِّلَالَةُ وَالْإِرْشَادُ يَمْلِكُهَا الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ كُلُّهُمْ يَدُلُّونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُبَيِّنُونَهُ وَيُبَصِّرُونَ بِهِ ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وربما يقول قائل لماذا قال الله جل وعلا لنبيه في آية وإنك لتهدي وقال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، أليس هذا تعارضا؟ الجواب ليس هذا تعارضا، حاشا وكلا، بل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين، وقوله إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الآيتين، وإنما تتعارض عند من لا علم عنده، أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم فلا يتعارض عنده القرآن والسنة، فالقرآن لا يتعارض أبدا والسنة لا تتعارض لأنهما تنزيل من حكيم حميد، ولكن الشأن في الذي يفهم ويجمع بين الأدلة. Donc le cheikh il explique que هداية الدلالة والإرشاد، le fait de guider dans le sens d'orienter les hommes et de leur montrer la vérité, ça les messagers et les prophètes et les hommes de science, les gens qui font la da'wa, ils possèdent cette catégorie de guidance-là. Ils possèdent cette capacité-là, c'est-à-dire de montrer et d'indiquer aux gens la vérité et de leur clarifier, de leur faire voir les choses telles qu'elles sont et réellement, et de leur expliquer la vérité. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète dans surat Ash-Shura, le verset 52, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, ça veut dire certes, oui, toi tu guides vers un droit chemin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, certes, toi tu guides vers un droit chemin. Donc, pour confirmer que la chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les hommes, c'est le droit chemin, c'est la vérité. Donc, le cheikh il pose une question par la suite, il dit, peut-être que quelqu'un pourrait dire, pourquoi dans un verset Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi, c'est-à-dire certes toi tu guides, et dans l'autre verset il dit, tu ne guides pas celui que tu aimes. N'est-ce pas qu'il y a là une contradiction, hein? Certains pourraient s'imaginer qu'il y a une contradiction entre les deux, puisque dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « tu guides vers le droit chemin » et dans l'autre, il dit « tu ne guides pas celui que tu aimes ». Hein? Et le cheikh, il explique, il dit, la réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de contradiction. Parce que dans un verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim », Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il veut dire « c'est toi qui indique, c'est toi qui oriente, c'est toi qui clarifie ». Et dans l'autre verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa innaka la tahdi man ahbabt », tu ne guides pas celui que tu aimes, ça signifie quoi? Ça signifie que tu n'as pas la capacité de faire en sorte que les hommes acceptent la vérité. Ça, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui détient ce pouvoir et cette capacité-là. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de les orienter et de leur montrer et de leur expliquer. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en charge. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Et la contradiction existe uniquement chez celui qui n'a pas de science ou chez celui qui n'a pas de compréhension. Mais celui qui connaît le Coran et qui le comprend correctement, et celui qui connaît la science et qui comprend la science, il ne trouvera aucune contradiction entre le Coran et la Sunna. Il ne trouvera jamais de contradiction dans le Coran et dans la Sunna, ou entre le Coran et la Sunna. Parce que c'est quelque chose qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, le digne de louange. Donc, ça c'est quelque chose qui est évident. C'est que si ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas y avoir de contradiction dedans. Et qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir la compréhension qui fait que, ou qui nous permet d'être capable de réunir entre les différents versets et les différents textes et les différentes preuves. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique l'autre partie du premier vers. Hein, tamassak, on a expliqué tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Accroche-toi au Coran et à la Sunna et suis la guidance. Et ensuite, il dit wala taku bid'iyan. Wala taku bid'iyan, c'est-à-dire ne sois pas bid'i, c'est-à-dire un mubtadi'. Ne sois pas parmi ceux qui font des innovations dans la religion. Hein? وهذا نهي هذا نهي والبدعي نسبة إلى البدعة والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh explique, il dit que ça c'est une interdiction dans cette partie du verset d'être un bid'i, comme on a dit, d'être un bid'i, c'est-à-dire d'appartenir à la bid'a. Hein, comme quand on dit un sunni, ça veut dire qu'on appartient à la sunna. Et quand on dit que quelque chose est bid'i, ça veut dire qu'il appartient à la bid'a. Donc il y a deux choses qui s'opposent maintenant. La sunna, on dit de celui qui la suit qu'il est sunni. Et la bid'a, on dit de celui qui la suit qu'il est bid'i ou mubtadi', quelque chose qui appartient à la bid'a. Et quand on dit sunni, on peut également dire salafi. Hein? Il y en a des fois des gens qui disent, moi je dis pas que je suis salafi parce que c'est pas écrit dans le Coran et c'est pas écrit dans la Sunna, c'est pas écrit dans le Hadith qu'on doit être salafi ou qu'on doit s'appeler salafi. Et tu peux dire à cette personne, est-ce que c'est écrit dans le Coran ou dans la Sunna de t'appeler sunni? Il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit tu dois être sunni ou que c'est écrit que tu es sunni. Le mot sunni, c'est pas écrit. Même dans la sunna, c'est pas écrit qu'on doit s'appeler sunni. Pourtant, on s'appelle sunni. Pourquoi? Parce qu'on suit la sunna. Et qu'on est sur la sunna. On dit qu'on est des sunnis. Donc, si on dit qu'on est salafi, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, il nous ordonne de suivre les salafs. Et les salafs, c'est qui? C'est les sahaba. En première partie, en premier lieu, c'est les sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Donc ça veut dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les tout premiers croyants, parmi ceux qui ont précédé dans la foi, dans la guidance, parmi les muhajirin et parmi les ansar, et ceux qui les ont suivis, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, de la meilleure manière, hein, qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il est satisfait des sahaba, des muhajirin et des ansar, et qu'il est satisfait également de ceux qui les ont suivis dans la meilleure, de la meilleure manière, ça veut dire qu'on est ordonné dans ce verset-là de suivre les sahaba. Et que si on les suit de la meilleure manière, on sera parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait d'eux. Et donc c'est un ordre de suivre les sahaba, hein, et de suivre les salaf salih. Et il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là. Donc, même si ce n'est pas écrit dans le Coran, textuellement ou littéralement, de dire le terme salafi, mais le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salaf salih, il se retrouve dans le Coran et il se retrouve également dans la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. La sunna des successeurs bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les salaf, c'est les sahaba, hein, Al-Khulafa al-Rashidin. Al-Rashidun, ce sont les Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qu'on doit suivre après avoir suivi le Coran et la Sunna. Ok? Et également, dans le Hadith des 73 sectes, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma ana alayhi liyom wa ashabi. C'est-à-dire, quand les Sahaba ont demandé laquelle de ces 60, laquelle de ces 73 sectes va être sauvée, va être au paradis, il dit, celle qui va être sauvée, qui va être au paradis, qui ne va pas aller en enfer, parmi les 73, c'est uniquement celle qui suit ce que je suis, moi, ainsi que mes compagnons. Donc c'est l'ordre encore là, une fois, de suivre les salafs. Donc, si quelqu'un dit qu'il est salafi, dans le sens qu'il suit l'exemple des sahaba, hein, après avoir suivi le Coran et la Sunna, dans ce cas-là, il n'est pas en contradiction avec l'islam et avec le Coran et la Sunna. Bien au contraire, c'est lui qui suit qu'est-ce qui est ordonné. De la même manière que celui qui dit « je suis sunni », par opposition à celui qui suit des innovations et des bid'ah. On dit de lui qu'il est bid'ahi. Donc, on peut dire que la bid'ah, c'est le contraire de la Sunna. Et on ne peut pas être sunni tant qu'on n'a pas rejeté la bid'ah en entier. Toutes les formes de bid'ah. Si quelqu'un n'a pas rejeté toutes les formes de bid'ah, il n'est pas sunni. Donc être sunni, c'est pas juste dire je suis la sunna ou je suis différents aspects de la sunna alors qu'il fait des bid'ah. S'il fait des bid'ah en même temps qu'il suit la sunna, il ne suit pas la sunna. Suivre la sunna, ça veut dire j'ai rejeté toutes les formes de bid'ah. Et j'ai suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas rejeté toutes les formes de bid'ah, même si tu pratiques certaines formes de la sunna, tu n'es pas sur la sunna. C'est ça la signification d'être un sunni. C'est pas juste de dire je suis certains aspects de la sunna, pour être un sunni c'est pas suffisant. Donc le cheikh explique que la définition de la bid'ah c'est quoi? C'est tout ce qui a été inventé dans la religion parmi ceux qui n'a pas de fondement dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wallahu nahana 'an al-ibtida'i fi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'innover dans la religion. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadharana min al-ibtida'i fi ad-din. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a interdit d'innover dans la religion. Fallahu jalla wa ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالدين كامل لا يحتاج إلى أن تضيف إليه أشياء تستحسنها أو تقلد فيها غيرك مما ليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة لتتقرب بها إلى الله كالأذكار البدعية والصلوات البدعية وجميع أنواع التقرب إلى الله إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة ولو كانت نية صاحبه حسنة يريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة ولكن رأى أن هذا فيه خير فاستحسنه وهو في الحقيقة ليس فيه خير ولو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة وما كان ربك نسيا وما ما فرطنا في الكتاب من شيء فكل الخير وكل الهداية في القرآن والسنة فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهي بدعة مردودة. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que la preuve de l'interdiction de la bid'a dans le Coran, c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset 3, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Donc la religion elle est complète. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. La religion elle est complétée. Il n'y a rien à rajouter dedans. Elle est complète déjà. Hein? Donc il n'y a rien qu'on doit rajouter pour qu'elle soit complète. On ne peut pas ajouter quelque chose parmi les choses qu'on trouve bon, qu'on juge nous-mêmes comme étant bonnes, ou que quelqu'un d'autre a rajouté et on trouve que c'est quelque chose de bon, alors qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran ou dans la Sunna pour dire que c'est quelque chose qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas-là, c'est une innovation. On ne peut pas l'accepter. Wa alaykum salam. Il mentionne comme exemple les gens qui font des formes de dhikr qui sont contraires à la sunna, qui sont des formes de zikr innovées, comme le zikr des soufis par exemple, hein? Les gens qui font des formes de zikr ils s'assoient entre eux et puis ils font le dhikr en clapant des mains ou bien en faisant des chants avec des tambours ou bien en faisant des danses et des mouvements et en criant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en répétant un nom parmi les noms d'Allah une centaine ou plus que ça yani parmi les différents exemples qu'ils suivent ou bien en bougeant la tête ou en bougeant le corps ou en respirant d'une façon spéciale ou particulière et ils prétendent que cette façon de faire est un zikr. Ça c'est une bid'a, c'est une innovation puisque cette façon de faire le zikr n'est pas rapportée dans le Coran ni dans la Sunna. De même que certaines formes de salawat qu'ils ont inventées, qui ne font pas partie de la Sunna. Donc ça c'est des innovations. Et toute autre forme de rapprochement que quelqu'un fait, il est dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, mais au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve. Dans le Coran ou dans la Sunna, on dit à son sujet que c'est une bid'a. Donc, lorsque quelqu'un fait quelque chose dans la religion, et que c'est quelque chose qui fait partie de ce qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit à cette personne de nous ramener la preuve de ce qu'il fait. Est-ce qu'il a une preuve? Est-ce qu'il a un hadith sahih ou hasan? Est-ce qu'il a un verset dans le Coran qui prouve que ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou ce qu'il croit fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est quelque chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas de preuve, alors on lui dit cette chose-là, elle est rejetée. Elle ne fait pas partie de l'islam, c'est une innovation, c'est une bid'a. Et on accepte uniquement ce qui est établi et qui est prouvé par le Coran et par la Sunna. Alhamdulillah. Donc, s'il n'y a pas de preuve, on la rejette, c'est une bid'a. Même si la personne qui fait cette action ou qui dit cette parole a une bonne intention. Quelqu'un, tu le vois, il fait quelque chose, tu lui dis, ya akhi, est-ce que tu as une preuve pour faire ça? Il te dit, non, je ne connais pas de preuve. Et il dit, oui, mais j'ai une bonne intention. J'ai une bonne intention, je fais ça pour le bien. Il n'y a rien de mal dans ce que je fais. Je fais ça pour me rapprocher à Allah. On lui dit, même si tu penses que ce que tu fais est bon, même si tu as une bonne intention, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas l'intention à elle seule qui compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Innama l'a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. » Les actions ne vont compter, ne vont être jugées que selon leur intention. Mais ça ne veut pas dire que seulement avec l'intention c'est suffisant. Si tu as une bonne intention mais que l'action que tu fais n'est pas en accord avec la sunna, elle ne sera pas acceptée, même si l'intention derrière est bonne. Donc il faut que non seulement l'intention soit bonne et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, mais il faut également que l'action soit en accord avec les preuves de la révélation, le Coran et la sunna. Donc même si la personne, elle le fait avec la bonne intention, qu'elle veut la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle veut le bien, qu'elle ne veut pas contredire qu'est-ce qui est dans l'islam, c'est pas suffisant pour que cette action-là soit acceptée et qu'elle soit bonne. Même s'il s'imagine que c'est quelque chose de bien qu'il fait, c'est pas quelque chose qui sera accepté tant que la chose n'est pas réellement établie dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce qu'en réalité, cette chose-là, il n'y a rien de bon dedans. Même s'il s'imagine que c'est bon. Et si c'était réellement bon, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et il mentionne le verset 64 dans Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. C'est-à-dire, ton Seigneur, il n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas oublié, cette chose-là. C'est-à-dire que si c'était bon, Allah l'aurait mentionné. Et s'il n'est pas mentionné, ça veut dire que ce n'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Est-ce qu'il aurait oublié cette chose que tu as inventée dans l'islam? Il l'a oublié, toi tu l'as trouvé. Tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala a oublié d'enseigner aux hommes certaines formes d'adoration qui permettent aux hommes de se rapprocher à lui? Tu penses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié certains exemples d'adoration, certains exemples de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toi tu es arrivé et tu l'as inventé ou tu suis celui qui l'a inventé et tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala a oublié ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien transmis le message et la révélation. Ça, c'est une attaque et une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si ce n'est pas directement une insulte, mais c'est indirectement une insulte, puisque c'est comme si tu accuses la charia et celui qui l'a transmis de ne pas avoir transmis correctement le message et de ne pas avoir complété la transmission de la révélation. Et c'est pour ça qu'on dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum » aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, alors si toi tu ramènes des innovations, c'est comme si tu crois ou comme si tu prétendais que la révélation n'était pas complète encore. Il manque quelque chose. Et c'est toi qui es venu le ramener. Allah avait oublié quelque chose et c'est toi qui lui as rappelé. Et ça c'est, bien entendu, une insulte. Hein? Et il dit « Ma farratna fil kitab min shay » le verset 38 dans surat al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'y a rien dans le livre qu'on a oublié. Hein? On n'a rien négligé dans le livre. » Donc tout ce qui est bon, tout ce qui est une guidance, toute la guidance et tout le bien est présent dans le Coran, est présent dans la Sunna. Donc, ici quelqu'un ramène quelque chose de plus ou rajoute quelque chose qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la Sunna, alors on dit à son sujet que c'est une innovation et qu'elle est rejetée. Le Cheikh dit ensuite وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ فَلَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ فِي الدِّينِ أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله هذا بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il mentionne le hadith d'Aïcha radiallahu anha dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: toute personne qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Celui qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Donc il n'est pas permis à quiconque d'inventer quelque chose dans l'islam, d'inventer quelque chose dans cette religion, ou de pratiquer quelque chose, même si ce n'est pas toi-même qui l'a inventé, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé, et toi tu fais juste le suivre, tu fais juste le pratiquer, hein, tu imites cette personne, alors cette action-là, elle ne sera pas acceptée. Et ce que tu fais, c'est haram. Il n'est pas permis de le faire, il n'est pas permis d'inventer dans la religion ou de pratiquer quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené, dans le but de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans ce cas-là c'est une bid'a et toutes les bid'a sont des innovations, sont des égarements. Il n'y a pas de bid'a qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Il n'y a pas des bid'as qui sont acceptées et d'autres qui sont rejetées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué clairement, il a dit explicitement que toutes les innovations sont mauvaises. Donc il n'y en a pas une innovation qui est bonne et d'autres qui ne sont pas bonnes. Il n'y a pas une qui est acceptée, une autre qui n'est pas acceptée. Toutes les innovations sont rejetées. Le cheikh il dit « Wal bid'atu fil lugha ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq ka an taqula hadha shay بديع كأن تقول هذا شيء بديع يعني جديد والله جل وعلا يقول بديع السماوات والأرض أي محدثها على غير مثال سابق ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل يعني ما أنا أول رسول بل قبلي رسل كثيرون فأنا لست بدعا يعني جديدا لم يسبق مثلي في الأمم السابقة فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون أما البدعة في الشرع فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبدع ليس فيها خير والبدع ليس فيها خير فهي تبعد عن الله وتبغض الله أما السنن فإنها خير كلها يرضاها ويحبها يرضاها الله سبحانه وتعالى ويحبها ويثيب عليها. Donc le cheikh explique que on peut définir linguistiquement le terme bid'a en disant que c'est tout ce qui a été inventé, qui n'avait pas été fait précédemment, qui n'avait pas d'exemple précédent. Comme le fait par exemple de dire à propos de quelque chose, cette chose, c'est quelque chose qui est badir, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau. Hein? Ou comme dans le verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 117, Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit en disant qu'il est badi'u samawati wal ard, c'est-à-dire celui qui a initié les cieux et la terre, qui les a créés, qui les a créés sans aucun modèle précédent. Il dit aussi à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le décret, il dit قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Hein? Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier d'entre les messagers. Il y en a eu d'autres avant moi et de nombreux. Donc, je ne suis pas une innovation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des peuples avant moi qui ont reçu des messagers. C'est-à-dire, il y a eu des peuples avant ce peuple qui ont reçu des messagers. Donc, pourquoi vous me rejetez en tant que messager alors qu'avant moi, il y a eu beaucoup d'autres messagers. Donc, ça, c'est l'exemple du sens linguistique du mot bid'ah. Hein? Donc, c'est important de comprendre la signification linguistique du terme bid'ah parce que ça nous aide à comprendre parfois les shubuhat qui sont mentionnés de la part des gens de bid'ah qui utilisent justement certains exemples pour essayer de faire accepter aux gens des innovations en disant, par exemple, ou en mentionnant que, par exemple, il y a des bonnes bid'ah et ils citent, par exemple, la prière de Tarawih. Hein? Ils vont citer la prière de Tarawih comme exemple. Et souvent, vous allez rencontrer des ahbash. Hein? Et quand ils invitent, parce que mais je ne sais pas ici, peut-être qu'il y en a des ahbash, en tout cas, au Canada, il y a des ahbash. Et ils se promènent souvent devant les différentes mosquées ou dans la rue. Et quand ils rencontrent des gens, ils vont inviter les gens à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est une bid'a, ce qu'on appelle al-mawlid. Hein? C'est une innovation, c'est une bid'a. Ça n'a pas été enseigné dans le Coran ni dans la Sunna. Et donc, ils vont voir les musulmans et ils les invitent à célébrer cette innovation et cette bid'a. Et donc, quand on leur répond que c'est une bid'a et que c'est quelque chose qui est rejeté, qui n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, eux ils vont rajouter ou ramener comme shubha que il y a l'exemple du tarawih par exemple, et ils vont dire par exemple que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il a réuni les gens dans la mosquée pour prier salat al-tarawih. Et après les avoir réunis derrière le seul imam, il leur a dit « Ni'matul bid'a hadihi » Quelle belle innovation que celle-ci. Et donc, il mentionne cet exemple-là pour essayer de dire « Ça, c'est la preuve qu'il y a des bonnes innovations. Que toutes les innovations ne sont pas mauvaises. Hein? » Et l'explication à ce sujet-là, c'est que parfois, certaines personnes, comme Omar ibn al-Khattab dans cette parole qu'il a dite, ou bien certains ulama vont expliquer le terme bid'a en l'utilisant au sens linguistique et non pas au sens dans le sens terminologique dans la façon dont il est utilisé dans le Coran et dans la Sunna. Il l'utilise au sens linguistique. Donc si on l'utilise au sens linguistique, on peut dire que tout ce qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant, est une bid'a. Comme par exemple les voitures, les avions, les ordinateurs, les micros, les appareils qui sont inventés dans le dernier siècle, toute la nouvelle technologie, on peut dire que c'est des innovations, que c'est des bid'a, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. D'accord? Et ces innovations-là ne sont pas interdites, puisque c'est des choses qui ont rapport avec la dunya, qui n'ont pas rapport avec التقرب إلى الله والعبادة والعقيدة. Donc c'est pas des choses qui ont rapport avec le fait de se rapprocher à Allah ou l'adoration ou bien avec la croyance islamique ou des choses de ce genre. Ça c'est des choses de la dunya que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permises, tant qu'elles sont bonnes, étant qu'elles sont utilisées dans le bien, elles sont halal. Mais lorsque ces gens-là utilisent cet exemple, ils utilisent ça pour essayer de créer une choubha chez les gens, pour leur faire croire qu'il y a des bonnes innovations. Toutefois, ça c'est dans le sens linguistique seulement. Et ça, les ulama, ils le mentionnent et ils clarifient ça. Ils font la distinction entre l'utilisation du terme bid'a au sens linguistique, qui implique tout ce qui est nouveau, et au sens religieux, lorsque c'est dans l'adoration, dans la aqidah, dans la croyance, dans la pratique, là, il explique que toute innovation dans la religion et dans l'adoration est mauvaise, et que c'est rejeté. Et la réponse par rapport au tarawih, c'est de dire que non, c'est pas vrai, c'est pas une innovation dans la religion. La preuve que c'est pas une innovation dans la religion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, a fait le tarawih pendant le ramadan pendant 3 nuits. Et les musulmans se réunissaient dans la mosquée pour prier derrière lui pendant ces nuits-là. Puis par la suite, la nuit suivante, ils se sont réunis encore une fois pour prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti pour prier, pour les guider dans la prière la nuit suivante. Donc pourquoi il n'est pas sorti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il a dit, la raison pour laquelle je ne suis pas sorti, c'est parce que je craignais que Allah subhanahu wa ta'ala le rende obligatoire pour cette umma. Et donc il n'est pas sorti pour éviter que Allah subhanahu wa ta'ala rende cette adoration-là obligatoire, et il savait que c'est quelque chose qui allait être lourd pour la umma, et donc les gens n'auraient peut-être pas pu la respecter et l'appliquer correctement. Et donc pour alléger la charge sur la umma, il n'est pas sorti et il n'a pas continué à pratiquer cet exemple durant son vivant. Et la même chose a continué, s'est continuée par la suite lors du Khilafa de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien Abu Bakr al-Siddiq n'a pas n'a pas fait revivre cette sunnah. Il a continué comme les gens faisaient après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de réunir les gens dans la mosquée. Il n'a pas continué à faire revivre cette sunna. C'est uniquement durant le khilafat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu que cette sunna a été revivifiée et qu'il l'a ramenée. Il a réuni tout le monde dans la mosquée derrière un seul imam et il les a dirigés dans la prière durant le ramadan. Et donc les gens, à partir de ce moment-là, ont recommencé à faire cette sunna qui avait été délaissée. Et lorsqu'il l'a fait, il a dit cette parole, ni'matul bid'a hadhihi, non pas dans le sens que c'est une innovation ou une bid'a dans la religion, mais dans le sens que c'est quelque chose qu'il a revivifié de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a pas de preuve dans cette parole de Omar radiallahu anhu pour essayer de justifier une innovation dans la religion, puisque c'est quelque chose qui fait partie de la sunna en partant. Ou bien ils vont mentionner par exemple le fait qu'il y a des universités islamiques ou des écoles des choses de ce genre pour essayer de dire, ah mais regardez, ça c'est des choses qui n'existaient pas, maintenant ça existe. Mais ça c'est des moyens de propager la science et d'enseigner l'islam, donc ça ne fait pas partie des innovations et des choses qui sont rejetées en islam, puisqu'il y a des sources et il y a des références à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. En ce qui concerne la définition de la bid'a dans la religion, c'est tout ce qui a été inventé dans la religion qui n'en fait pas, et qui n'en fait pas partie. Donc toute chose qui n'a pas de preuve, qui est faite sans preuve du Coran ou de la Sunna. Et le Cheikh il dit, wal bid'a laysa fiha khayr. Il n'y a pas de bien dans la bid'a. Et elle ne rapproche pas à Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, elle éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les sunan, les choses qu'on fait qui sont en accord avec la sunna, qui font partie de la sunna, elles sont toutes bonnes et elles amènent tout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les aime et il les récompense. Kama anna Allah ta'ala يبغض البدع ويبغض أهلها ويعاقب عليها. En ce qui concerne les innovations, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste et il déteste également ceux qui les pratiquent et il les punit également pour ces innovations-là. فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم فإن كانوا على حق اتبعناهم قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا الاتباع على الحق أما إذا كانوا على غير حق فإننا لا نتبعهم ولو كانوا من أفضل الناس. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de place dans l'islam, il n'y a pas de place dans la religion d'Allah pour les ajouts, pour les choses qu'on rajoute, pour les choses qu'on pense comme étant, qu'on considère comme étant bonnes et qu'on veut rajouter dans la religion d'Allah, ou bien le fait de suivre les gens dans ce qu'ils suivent sans vérifier ou sans savoir si ce qu'ils font est basé sur une preuve de la charia d'Allah ou non, jusqu'à ce qu'on ait su leurs preuves et leurs dalils. Donc il n'y a pas de place dans l'islam pour suivre les gens dans ce qu'ils pratiquent ou dans ce qu'ils suivent. Et s'ils sont sur la vérité, dans ce cas-là, on les suit. Et il mentionne le verset 38 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et j'ai suivi mes pères, c'est-à-dire mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. » Ça, c'est le fait de les suivre sur la vérité. Mais le fait de suivre nos ancêtres, peu importe ce qu'ils suivaient, sans avoir une preuve que ce qu'ils font est sur la vérité, alors ça, c'est quelque chose qui est rejeté. Hein? On n'a pas le droit de les suivre sur autre que la vérité. On doit uniquement suivre quelqu'un ou des gens qui suivent la vérité parce qu'ils suivent la vérité. Et sinon, on ne les suit pas, même si ce sont les meilleurs parmi les hommes. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre parce qu'il y a des gens qui, par exemple, demandent aux autres de suivre ce qui a été pratiqué par leurs ancêtres. Hein, il dit, nous on vient de tel pays et dans notre pays c'est comme ça qu'on fait les choses et c'est comme ça qu'on les pratique et ils veulent pas savoir est-ce que c'est en accord avec le Coran ou la Sunna ou non, c'est pas grave, tu suis qu'est-ce qu'on a toujours suivi de nos traditions, de nos coutumes, nous c'est comme ça que ça se passe ici et on veut pas savoir si c'est en accord avec le Coran ou la Sunna, ça c'est pas grave, qu'est-ce qui compte c'est que tu suis nos traditions et nos coutumes. Celui qui comprend l'islam de cette manière-là, il n'a rien compris de l'islam. Puisque l'islam n'est pas basé sur le fait de suivre nos ancêtres, ou de suivre la coutume de nos pays, ou de suivre les exemples de ce que les gens ont pratiqué, sans savoir si c'est basé sur une preuve ou non. L'islam, c'est de suivre ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Peu importe qui, hein, la personne qui nous montre quelque chose est, même si c'est la meilleure, parmi les personnes, même si c'est le plus savant d'entre les savants de notre pays, si ce qu'il nous montre n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, on le rejette. On suit uniquement ce qui est confirmé par les preuves du Coran et de la Sunna. Le Cheikh dit ensuite, « وَالنَّصَارَ لَمَّا أَحْدَثُ الرَّهْبَانِيَّةِ الَّتِي مَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضَلُّوا بِهَا وَأَيْضًا مَا قَامُوا بِهَا لِأَنَّهُمْ عَجَزُوا عن أن يقوموا بها لأنهم هم الذين حملوا أنفسهم ما لا تطيق والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزوا عنها وتركوها فما رعوها حق رعايتها وقوله إلا ابتغاء رضوان الله أي أحدثوها يبتغون بها رضوان الله فهذا دليل على أن العبرة بالدليل لا بالمقاصد والنيات فقط. Donc le cheikh explique, il dit, regardez les chrétiens par exemple qui ont inventé les monastères et la vie de moines, ou les religieuses, les sœurs dans les couvents, qui se sont retirés dans ces endroits-là pour se consacrer uniquement à l'adoration, à la prière, au jeûne et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça, c'est pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de faire. Hein? C'est quelque chose qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, que Allah ne leur avait pas ordonné. Et ils se sont égarés à cause de ça. Et malgré ça, malgré qu'ils se sont imposés cette chose-là sur eux, ils ont été incapables de le respecter, de le suivre. Parce que c'est quelque chose que l'âme humaine ne peut pas supporter. Tu peux pas, hein, t'écarter du monde et t'enfermer quelque part et te consacrer uniquement à la prière ou au jeûne et à l'adoration seulement et que tu néglige et que tu abandonnes tout le reste. Hein? Et comme conséquence, ça a eu comme effet qu'ils se sont égarés à cause de ça. Et ils n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout, ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas été capables de l'appliquer comme il faut, correctement. Comme c'est mentionné dans le verset 27 et 28 dans... ou 27 dans surat al-Hadid. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Et ça c'est la réfutation justement de cette bid'a qu'ils ont innovée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَهْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا. رَهْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا. Ils l'ont innové, ils l'ont inventé. C'est pas quelque chose qui faisait partie de la religion. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet qu'ils l'ont fait uniquement pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'abtira à ridwanillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, quand ils ont inventé les monastères et les moines et les trucs de ce genre, ils l'ont inventé uniquement dans le but d'obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est la preuve que c'est pas uniquement l'intention qui doit être prise en considération. C'est-à-dire que c'est pas le fait de dire ou de penser que notre intention va faire en sorte que l'action va être bonne ou va être acceptée d'Allah. Non. Même si tu as une bonne intention de faire quelque chose, si l'action elle-même n'est pas acceptée, n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, elle ne sera pas acceptée comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est pour cette raison-là que l'exemple de ce que les chrétiens ont pratiqué dans leur monastère, des choses de ce genre, et les moines et les sœurs, il y en a qui ne se marient pas, qui s'écartent de la vie et un mondaine, ces gens-là ont dévié par la suite. Et on voit maintenant les scandales qui se produisent dans leurs églises à cause de ça, vu qu'ils se sont écartés de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait permis. Hein? Et ça, c'est sans compter les exemples de shirk et d'égarement qu'ils pratiquent. Donc le cheikh il dit فالحاصل أن البدعة شر وإن زعم أصحابها أنها خير وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة فنقول البدع في الدين ليس منها شيء حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فمن قال إن من البدع حسنة فمن قال إن من البدع بدعة حسنة فإنه يكون مكذبا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا توجد بدعة حسنة في الدين أبدا. Donc, le cheikh explique, il dit donc, en résumé, on peut dire que la bid'a c'est quelque chose qui est mauvais, même si les gens qui les pratiquent s'imaginent que c'est quelque chose de bon. Et ceux qui divisent la bid'a en deux catégories, ou en plusieurs catégories, il y en a qui la divisent en deux, il y en a qui la divisent en cinq. Hein? Ceux qui la divisent en deux, ils disent qu'il y en a des bonnes et qu'il y en a des mauvaises. Des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Le cheikh, il dit, on leur dit cela, on leur dit à cela que il n'y a pas dans la religion de bid'a qui est bonne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les bid'as sont des égarements. Donc celui qui dit qu'il y a des bid'as qui sont bonnes, alors il contredit et il dément la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que toutes les innovations sont des égarements. Et lorsqu'il dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc il n'y a pas de bid'as qui est bonne dans la religion et il n'y en aura jamais. أما ما سموه من البدع الحسان كبناء المدارس والربط وتأليف الكتب فنقول هذه ليست بدعا بل هي مما حث الدين عليه وهي وسائل إلى أمور مشروعة فقد حث على الإحسان والعمل الصالح وفعل الخير وهذه كلها من وسائل الخير وهي معينة على فعل الخير فهي ليست بدعا وقد جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les choses qu'ils appellent comme qu'ils considèrent comme étant des bid'as qui sont bonnes ou des innovations qui sont bonnes, comme par exemple le fait de construire des écoles ou faire des livres sur la religion ou des choses comme ça, parce qu'avant il n'y avait pas de livres, maintenant on a des livres. On leur dit ça, c'est pas des bid'as. Ça, c'est des choses qui ont été, disons, encouragées par la religion. C'est-à-dire, la religion nous encourage de faire ces choses-là, parce que ce sont des moyens vers des choses qui sont en accord avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des choses qui incitent à faire le bien, à faire des bonnes œuvres. Et donc, toutes ces choses-là sont des moyens vers le bien. Et elles nous aident à faire le bien. Donc, ce ne sont pas des innovations, puisque la religion nous a ramené ces choses-là et nous incite à faire ces choses-là. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a encouragé de les faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 2, dans surat al-Ma'idah, et encouragez-vous mutuellement à la piété et à la bonté et à la piété, et ne vous aidez pas mutuellement au péché et à la transgression. Amma qawluhu alayhi salatu wassalam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha fal maqsud bihi annahu ahya sunnatan qad umitat فتبعه الناس في ذلك فله أجرها وأجر من اقتضى أو من اقتدى به فعمل بها فهذه ليست بدعة حسنة وإنما هي سنة حسنة. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit celui qui fait une bonne action, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, celui qui fait une bonne action dans l'islam, il aura la récompense pour l'avoir fait et la récompense de tous ceux qui l'ont imité ou qui l'ont suivi dans ce bien-là. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est le fait que celui qui fait revivre une sunna qui a été oubliée ou qui est morte et que les gens l'ont suivi dans cette bonne action-là, alors cette personne qui a fait cette action-là en premier, il aura la récompense pour l'avoir fait, parce que c'est lui qui l'a fait revivre, et il aura la récompense de tous ceux qui l'ont pris comme modèle et qui ont appliqué son exemple. Alors, il aura leur récompense, il aura une récompense pour chacun d'entre eux qui l'a suivi. Et donc, ça veut dire que ça ne justifie pas qu'il y ait des innovations qui soient bonnes, bien au contraire. Puisque c'est des choses qui font partie de la sunna que des gens font revivre. Et donc elles sont déjà bonnes en partant puisque ce sont des sunan. Et le hadith au complet ça c'est seulement une partie du hadith. Mais le hadith au complet, si vous lisez l'histoire du hadith au complet, c'est le hadith de Jarir ibn Abdillah qui est rapporté dans Sahih Muslim. L'histoire c'est en fait lorsque des gens sont rentrés dans la mosquée et qu'ils étaient très pauvres et on voyait sur eux les effets de la pauvreté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a vus, il a été affecté par leur état, ils étaient tellement en mauvais état que il a senti de la tristesse en les voyant, et il a incité les sahaba à donner en aumône, de donner la charité pour ces pauvres là. Donc quand il a commencé à inciter les sahaba à donner, il y a très peu de gens qui ont donné au tout début. Des gens donnaient un petit peu, quelques petites choses, et puis c'était fini. Puis parmi les gens qui étaient là, il y a un homme qui s'est levé et qui a sorti un sac avec de l'or dedans, un sac d'or qui était tellement lourd qu'il avait du mal à le tenir avec sa main. Et il est venu et il l'a déposé devant le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens ont vu ça, ils se sont tous levés les uns après les autres pour donner des choses. Donc, à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage s'est ébloui, hein, son visage s'est illuminé. Il a été content de voir que les sahaba ont commencé à donner. Et il a mentionné le hadith qui est mentionné dans les paroles du cheikh ici, lorsqu'il dit que celui qui fait dans l'islam une bonne sunna, il aura la récompense. C'est-à-dire que celui qui fait une bonne action dans l'islam, il aura la récompense pour l'avoir fait et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cette bonne action-là, sans que ça ne diminue rien de ce qu'ils ont fait comme bonne action eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que, yani, si supposons ici, on demandait aux gens de donner en sadaqa et que personne se lève pour le faire, et que parmi tous les gens qui sont assis, il y en a un qui se lève en premier et qui donne, et que quand les gens voient ça, ils veulent tous faire comme lui et suivre son exemple, eh bien, tout le monde aura, tout le monde aura fait du bien, mais c'est lui qui aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi par la suite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le premier à donner l'exemple et à faire une bonne action qui fait partie de la sunna, donc à cause de ça, il a sa récompense à lui et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans le bien. Donc ça, c'est pour faire comprendre que dans ce hadith-là, il n'y a aucune mention sur le fait d'inventer des innovations ou le fait de faire des innovations ou qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Et donc ça, c'est des réfutations ou une explication au sujet de ce que prétendent les gens de bid'a pour justifier leur bid'ah. Et déjà, en principe, vous pouvez comprendre une chose qui est très importante, c'est que si vous voyez quelqu'un qui essaie de dire qu'il y a des innovations dans l'islam qui sont bonnes, c'est la preuve que c'est quelqu'un qui appelle à la bid'ah. Hein? Pourquoi? Parce que c'est logique. Si quelqu'un est sur une bid'ah, il veut essayer de chercher un moyen pour que les gens acceptent sa bid'ah. Et puisque tous les hadiths qui ont été mentionnés au sujet de la bid'a sont pour interdire la bid'a, il doit trouver une shubha pour essayer de la justifier. Et ça, ça fait partie des exemples et des justifications qu'il cherche dans la charia. Et bien entendu, il n'y a rien dans ce qu'il ramène comme argument qui peut tenir la route, puisque on voit que les significations de ces hadiths-là vont dans le sens contraire de ce qu'ils essaient de prouver. Donc le cheikh dit فتعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم من فتح المدارس وإنشاء المعاهد والكليات وفتح الربط لطلب العلم هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا وليس من البدع. Il dit le cheikh que le fait d'enseigner aux gens la science qui est bénéfique et le fait de faire un travail, de faire quelque chose qui aide les gens à chercher la science, comme par exemple d'ouvrir des écoles, des universités, hein, d'ouvrir des facultés et des instituts où on peut étudier la science islamique, d'ouvrir des endroits où les étudiants vont pouvoir dormir lorsqu'ils vont étudier. Tout ça, ce sont des choses qui aident. Hein, qui aide à la quête de la science et à la recherche de la science, et ça c'est quelque chose qui est ordonné par la charia, qui est ordonné par la législation, et donc ça ne fait pas partie des innovations, ça ne fait pas partie des bid'ah. Amma al-umur al-mubtada'a fi ghayr al-din ka sina'at al-ta'irat wal-sayyarat wal-maraqib al-bahriya فهذه أمور مباحة وليست من الابتداع في الدين. Donc le cheikh il dit que les choses qui ont été innovées en dehors de la religion, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les avions, les voitures, les bateaux, des choses de ce genre, toutes ces choses-là sont des choses qui sont permises, et donc il n'y a pas d'innovation dans la religion dans ces choses-là. Il mentionne le verset 13 dans sourate Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ لِأَجْلِ مَنَافِعِكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ فَهَذِهِ لَا تَدْخُلُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلَكِنْ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا لِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ فَنَرْكَبُ السَّيَّارَةَ لِلْحَجِّ أَوْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ تَحْصِيلِ الْمُبَاحَاتِ وَنَرْكَبُهَا لِلتِّجَارَةِ وَلِلنُّزْهَةِ وهذه كلها من منافع السماوات والأرض التي أباحها الله لنا فليست بدعة لأنها ليست من الدين بل هي من العادات والمباحات فلا نسميها بدعة لأن فلا نسميها بدعة إلا إن كان من ناحية اللغة لأنها شيء جديد ولكن ولكونها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبله حيث قدر الناس عليها وكانوا من قبل لا يقدرون عليها. Donc le cheikh il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a assujetti pour nous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et toutes ces choses là sont de lui, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont de lui. Il les a assujettis pour nous, c'est-à-dire il les a créés pour nous, pour notre service, dans le but de nous profiter, pour que ce soit un bien pour nous. Et ces choses-là n'entrent pas dans les adorations, même si elles sont parfois utilisées pour nous aider à aller accomplir des adorations. Hein, comme par exemple, avant les gens partaient au Hajj, à dos de chameau ou à dos d'âne ou des choses de ce genre. Aujourd'hui, on part en voiture ou on part en avion. Hein? Donc ça, c'est des différents moyens qu'on utilise, pas pour faire une adoration, mais pour aller faire une adoration. Et donc ça, c'est des choses du bien, c'est des choses qui ne sont pas reliées directement à la religion, mais qui sont des moyens qu'on peut utiliser pour aller faire des actes d'adoration. Ou bien pour aller, par exemple, quand on veut aller visiter de la parenté, garder les liens de parenté, ça c'est quelque chose qui est bien. Ou bien pour essayer de ramener des choses qui sont permises, comme faire du commerce, on utilise les voitures, les camions, les avions pour transporter la marchandise, ou bien pour aller quelque part pour se distraire ou faire des choses qui sont permises dans l'islam. Donc tout ça sont des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous dans les cieux et sur la terre, et qu'il nous a rendu licites. Et donc elles ne font pas partie des innovations, parce qu'elles ne font pas partie directement de l'adoration ou de la religion, et elles font partie des choses habituelles qu'on fait de la vie de tous les jours, et elles sont des choses permises. Donc si on les appelle bid'a, on les appelle uniquement bid'a dans le sens linguistique et non pas dans le sens qu'elles font partie de la religion, dans le sens que ce sont des choses nouvelles qui n'existaient pas préalablement. C'est des innovations technologiques qui n'existaient pas préalablement, mais qui sont apparues par la suite, parce que auparavant les gens n'étaient pas capables de les faire, et aujourd'hui ils ont acquis la capacité. Donc ce sont des choses nouvelles sur le sens linguistique seulement, et ça n'a rien à voir avec la religion. فينبغي معرفة هذه الأمور لأن أهل الضلال يلبسون على الناس ويقولون هل كل شيء بدعة؟ فنقول لا، ليس كل شيء بدعة، بل البدع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداها فليس ببدعة، وإنما هو مما أباح الله لعباده. ففرق بين هذا وهذا. الشيخ الذي que donc il faut absolument bien comprendre ces choses-là et connaître ces choses-là, parce que les gens de l'égarement essaient de tromper les gens, et quand on leur interdit de faire des innovations et des bid'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: est-ce que tout est bid'a pour vous? Hein? Souvent vous allez rencontrer des gens comme ça lorsque vous leur interdisez des innovations, lorsque vous leur dites par exemple non, il ne faut pas faire ça, ça c'est bid'a et tout. Ils disent: quoi, pour vous est-ce que tout est bid'a? Hein? Et le cheikh il dit: non, c'est pas toute chose qui est bid'a. Mais la bid'a c'est quoi? C'est ce qui a été inventé dans la religion d'Allah, de ce qui n'en fait pas réellement partie. Des choses qui n'ont pas été établies et prouvées par les preuves du Coran ou de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais en dehors de ça, c'est pas bid'ah. Yani, si c'est prouvé par le Coran et la Sunna, c'est pas bid'ah. Donc, وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ. Ou bien si c'est des choses en dehors de la religion, alors ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour ses serviteurs, et donc il faut distinguer entre ceci et cela. Hein? Donc c'est pas tout ce qui est nouveau qui est interdit. Il y en a qui veulent se moquer parfois des musulmans qui suivent la sunna et qui appellent à la voix des salafs. Ils disent, ah mais dans ce cas-là, si vous êtes contre les innovations, éteignez la lumière, hein? Arrêtez d'utiliser l'électricité. Ils veulent se moquer des gens, ils veulent ridiculiser les gens qui suivent le Coran et la Sunna. Non, on leur dit non, les innovations, c'est les innovations dans la religion, pas les innovations dans la technologie. Arrêtez de prendre les gens pour des abrutis, hein. Donc ensuite le cheikh il dit wa qawl an-Nazim rahimahullah la'allaka tuflihu, yani idha aradta al-falah wa huwa as-sa'adatu fi ad-dunya wal akhirah فتمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا هو سبيل الفلاح والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فهذه هي أسباب الفلاح. Donc le cheikh il dit que ensuite, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit par la suite, la'allaka tuflihu. C'est-à-dire, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidance et ne sois pas un bid'i, ne sois pas sur la bid'a pour que tu puisses obtenir le succès. La'allaka tuflihu. Donc, il dit, si tu veux réellement avoir al-falah, c'est-à-dire le succès, c'est-à-dire d'avoir le bonheur dans cette vie, dans cette dunya et dans l'au-delà, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidance, et ça c'est la voie vers le succès, hein? C'est la voie vers le succès. Le succès c'est d'avoir beaucoup de bien et d'obtenir le bonheur. Donc si tu veux le bonheur, tu veux le bien, dans ce cas-là, prends les moyens qui t'amènent vers ce bien et vers ce bonheur. Et il mentionne les versets de 1 à 11 dans Surat al-Mu'minun. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, les croyants ont obtenu le succès, ceux qui sont humbles dans leur prière, jusqu'à ce qu'ils disent à la fin, et ceux qui préservent leur prière, hein, leur salawat, c'est ceux-là qui seront les héritiers, ceux qui ont hérité du paradis, al-Firdaus, et qui y demeureront éternellement. Al-Firdaus, qui est la plus haute partie dans le paradis. Donc ça, c'est les versets 1 à 11 dans Surat Al-Mu'minun qui nous mentionnent certains des moyens qui nous amènent vers le succès, vers Al-Falah. فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ الْفَلَاحِ فَعَلَيْكَ بِهَدِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَ تَمَسَّكْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى وَتَجَنَّبِ الْبِدَعِ. Si tu veux le succès, tu fais ces trois choses. Hein? Tu t'accroches au livre d'Allah, tu suis la guidance et tu t'écartes des innovations. فَإِنْ أَخْلَلْتَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَإِنَّكَ تَخْسَرُ وَلَا تُفْلِحُ أَبَدًا. قال تعالى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأولئك الذين خسروا أنفسهم فضد الفلاح هو الخسار الخسار والعياذ بالله ولم يخسروا الأموال بل خسروا أنفسهم وكون الإنسان يخسر نفسه هذا أشد أنواع الخسار والعياذ بالله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Le cheikh dit, si tu manques une de ces trois choses, alors dans ce cas-là, tu es perdant et tu n'as pas le succès. Et il mentionne le verset 102 et 103 dans Surat Al-Mu'minun, celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès. Et ceux dont la balance sera légère, c'est-à-dire légère en bonne action, ceux-là se seront perdus eux-mêmes. Ils auront perdu leur propre personne. Et ça, c'est le contraire de, du succès. C'est la perdition, d'être perdant. Et ceux qui seront perdants, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu de l'argent, mais ils ont perdu leur propre personne. Donc, comment quelqu'un se perd, c'est en ne respectant pas ces trois exemples-là, qu'on a, ces trois points qu'on a mentionnés pour avoir le succès. Et donc, il dit la plus grande forme de perte, c'est justement de perdre soi-même. Et il mentionne le verset 15 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, les plus grands perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leur famille au jour de la résurrection. Voilà, certes, la perte la plus claire, la plus évidente. لا نجزم لأحد بفلاح إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن أنه من أهل الفلاح أما من لم يأتي في الكتاب أو السنة تعيينه أنه من المفلحين فإننا لا نجزم له بالفلاح ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وأيضا المسلم La yaqtar bi amalihi. Le cheikh il dit, quand l'imam Ibn Abi Daoud dit la'allaka, ça implique qu'on a l'espérance. On espère et on souhaite pour la personne qui a la bonne aqida qu'il aura le succès. Mais on ne dit pas ça avec certitude dans le sens que on est certain que la personne a le succès et qu'il va aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas témoigner pour quelqu'un qu'il sera au paradis et qu'il aura le succès, excepté s'il y a eu un témoignage de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à propos d'un individu en particulier qu'il fait partie des gens qui ont le succès. Ou que c'est mentionné dans le Coran à son sujet, dans ce cas-là, on dit cette personne, elle a le succès. Mais sinon, s'il n'y a pas de mention dans le Coran ou dans la Sunna à propos d'un individu en particulier qu'il est parmi les muflihin, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le dire avec certitude. Hein? Mais on espère pour la personne qui fait le bien et on craint pour la personne qui ne respecte pas et qui ne fait pas le bien. Et en même temps, le musulman, il ne doit pas se laisser tromper par ses propres œuvres. Hein, de dire que bon, ça y est, moi je suis sauvé, yani, parce que je fais le bien, je fais la prière, donc je vais être au paradis. Hein, non, c'est pas comme ça. Hein. On peut pas avoir la certitude, mais on espère. On espère en Allah. Ensuite, le cheikh il termine ce point-là, l'explication de ce vers en disant فَمَعْنَا قَوْلُهُ لَعَلَّكَ تُفْلِحُ أي لَا تَغْتَرُ بِعَمَلِكَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ أَن تَأْتِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وترجو الله أن يجعلك من المفلحين ولا تعتمد على الرجاء فحسب دون عمل لأن هذه طريقة الضالين وهذا هو الرجاء المذموم والرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح فتعمل السبب وترجو من الله عز وجل. Donc le cheikh il explique pour terminer, il dit lorsque l'imam dit « la'allaka tuflihu » pour que tu puisses avoir le succès, ça c'est pour montrer, comme on a dit, l'espérance et pour qu'on ne se laisse pas tromper par nos œuvres. Qu'on dise « bon, ça y est, moi je fais le bien, donc je vais être sauvé, je vais avoir le succès. » Non, il faut que tu fasses les bonnes œuvres et tu espères par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala te mette parmi ceux qui auront le succès, mais tu ne vas pas te baser uniquement sur ton espoir seulement sans faire les œuvres. Hein? Parce que ça c'est la voix des gens de l'égarement. Il y a des gens parfois comme ça. Ils disent moi j'espère qu'Allah va me faire entrer au paradis, mais ils font aucun effort personnellement. Il y en a pour essayer justement d'obtenir cette miséricorde et cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une forme d'espérance qui est blâmable. Et l'espérance ou l'espoir qui est louable, c'est celle qui est accompagnée de bonnes œuvres. Hein? Donc tu fais les causes et ensuite tu espères la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On a terminé donc d'expliquer le premier vers de la qasida de l'imam Ibn Abi Daoud. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, on aura l'occasion, inshallah, de continuer la suite durant mon séjour ici, inshallah, et on espère que on a profité donc de l'explication de ce premier verset ou de ce premier vers de poésie dans la qasida de l'imam Ibn Abi Dawud, Al-Ha'iyya, et on voit que juste dans ce premier vers là, dans cette petite phrase, hein, qu'elle remplit, elle contient en réalité les bases même de cette religion là. Et si on la comprend comme il faut, yani, on s'accroche juste à ce verset-là, ou ce premier vers-là, yani, déjà, inshallah, on aura le succès, bi'idhnillah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.